Good afternoon. Bonjour pour me dire, mais tu te demandes comment je me very worried. Bah, j'ai mis au en quoi une, au sens où des gens bah, mais bonjour, il faut un coup low battery. Maintenant, on a quoi une problème, tu m'as charmé. Tu me dis quoi? Mais tu m'as chargé, son tu m'as chargé. Ah, man, au pire. Pourquoi off current? Me charge mana na ma charge wia de ai fine sana ba ein charge na oye problem ti e sure charge ma charge ai fine ma ai phone ti wie bibia na ma fro that's it.